끝이라는 말에. Whatever you want to do. Yeah, yeah, we can. Thank you. Je peux pas m'arrêter deux secondes, je vous cours après. En fait. Et après, je vais crier. Attends. Je n'ai le temps. Ouais, c'est ça.